me demande encore comment tu as fait pour me rendre si amoureux. Et je me demande encore comment Dieu a fait pour créer de tels yeux. Et mon corps réclame ton corps, même s'il sait pertinemment qu'il se couchera seul. Mais il est habitué, et commence à se douter qu'il pourrira seul. Et je me demande encore pourquoi ton sourire appartient à d'autres garçons. Est-ce que je suis trop moche? Est-ce que je suis trop vieux? Est-ce la couleur de mon caleçon? Et je me demande encore pourquoi tu es si jeune et moi si amoureux. J'aime toujours ta silhouette, tes mini shorts et tes collants, tes yeux verts et tes cheveux.